pâté. Premier baiser, premier lycée, et l'envie de me barrer. Merde, ma chaîne a sauté, ma roue est crevée. Tout est fermé, et rien pour réparer. Pull déchiré, et blue jean râpé. J'arrive en retard, mais c'est bonheur. Avec les filles, faut pas être au poids. Tiens, c'est raté, elle s'est tirée. Je rate toujours mon entrée, je me fais toujours virer. Mais ça ne peut plus durer, ça va changer. Je rate toujours mon entrée, je me fais toujours virer. Mais ça ne peut plus durer, ça va changer. Paquet vidé, j'ai trop fumé. J'en ai assez, c'est dur d'aimer. À contre-cœur, je vois mes erreurs. À contre-jour, je perds mes amours. Je rate toujours mon entrée, je me fais toujours virer. Mais ça ne peut plus durer, ça va changer. Je rate toujours mon entrée, je me fais toujours virer. Mais ça ne peut plus durer, ça va changer. Je me fais toujours virer. Mais ça ne peut plus durer, ça va changer.